Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Avez-vous déjà été boire un verre au Tourlourou? Le Tourlourou, mais vous savez, c'est le nom du cabaret. Il est là-bas, à deux pas de la forêt. Oh, la servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Son œil, comme son vin, pétille. Nous l'appelons la Madelon. Je vais pas vous étonner en vous disant que quand Madelon vient nous servir à boire sous la tonnelle, on frôle son jupon et chacun lui raconte une histoire à sa façon. Quand Madelon, appelée aussi La Madelon, est une chanson créée au début de l'année 1914 au café-concert L'Eldorado. Nous la devons au chansonnier Louis Bousquet et depuis la chanson a été reprise par tant et tant d'artistes dont Line Renaud. Une chanson qui commence ainsi. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à deux pas de la forêt, une maison au mur tout couvert de lierre, au Tourlourou, c'est le nom du cabaret, je vous disais. Un moment dans la chanson, un caporal en képi de fantaisie vient demander sa main à Madelon. Elle lui répond en souriant « Et pourquoi prendrais-je un seul homme quand j'aime tout un régiment ?» Chanson sexiste, la Madelon, chanson de son temps surtout, quand les femmes étaient cantonnées au rôle de vivandières, celles qui suivent les troupes en campagne pour vendre des vivres et des boissons. Oui, les femmes combattantes existent. Les femmes combattantes existent, mais principalement au XXe siècle. Retour sur le corps des volontaires françaises, la première unité militaire féminine dans l'histoire de l'armée française. Cette semaine, dans le cours de l'histoire sur France Culture, femmes révoltées, une histoire à réinventer. Mais oui, où sont passées nos héroïnes, celles qui combattent par la plume. Nous en avons parlé hier. C'est une émission à réécouter en ligne sur le site internet du cours de l'histoire, franceculture.fr, ou bien en balado-diffusion, le podcast. Et puis, il y a ces femmes qui combattent, ces femmes qui prennent les armes. Et nous allons en parler aujourd'hui avec vous, Julie Legac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancienne enseignante-chercheuse à l'Université Paris-Nanterre. Vous avez écrit « Vaincre sans gloire », le corps expéditionnaire français en Italie. C'est aux belles lettres. Et puis, vous avez coordonné l'ouvrage « L'Europe des femmes, 18e et 21e siècle » chez Perrin. Dites-nous, Julie Legac, dans cette « Europe des femmes », donc cet ouvrage que vous avez coordonné, y a-t-il beaucoup de combattantes? Les femmes que l'on regarde sont souvent, c'est vrai, des femmes qui ont écrit, des femmes qui ont pensé, des femmes qui ont apporté beaucoup à la science. Y a-t-il beaucoup de combattantes? Il y a un certain nombre de femmes qui s'engagent dans les armées, qui s'engagent en temps de guerre, mais les femmes combattantes, celles qui portent vraiment les armes, sont très peu nombreuses. Vous posez la question essentielle, en tout cas vous évoquez le problème essentiel, c'est le port des armes, hein, celles qui portent les armes, parce que des femmes aux côtés des soldats, il y en a toujours, mais elles n'ont pas les armes. Et puis pour nous parler de ces femmes qui s'engagent pendant la Seconde Guerre mondiale, celles qui ont suivi De Gaulle, vous êtes avec nous ce matin, Sébastien Albertelli, bonjour. Bonjour. Agrégé docteur en histoire, vous avez écrit cet ouvrage intitulé « Elles ont suivi De Gaulle, histoire du corps des volontaires françaises », c'est chez Perrin. Dites-nous, Sébastien Albertelli, c'est vrai que ces femmes, vous les avez croisées, parce que je ne vais pas citer toute votre bibliographie, mais vous avez travaillé sur les services secrets du général De Gaulle, vous avez travaillé sur le sabotage, sur la résistance, sur énormément d'actions, les luttes clandestines en France, c'est aussi le titre d'un de vos ouvrages. Elles ont suivi De Gaulle. Vous les avez croisées sans cesse pour arriver à faire cet ouvrage maintenant, parce que c'est vrai que les femmes ne sont jamais mises en avant en tant que telles et seules dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Non, je dois dire qu'en réalité, au début, je ne les ai pas croisées beaucoup. Et à ma grande honte, j'ai travaillé pendant des années sur un service, les services secrets du général de Gaulle. J'en ai fait une thèse qui fait presque des milliers de pages. Et je leur ai accordé que quelques lignes dans cette thèse, parce que précisément, je ne les croisais pas beaucoup. Alors que même numériquement, elles étaient majoritaires dans ce service. Simplement, elles n'avaient pas le pouvoir, ou elles ne portaient pas les armes, ou elles étaient très minoritaires. Et donc, elles ont échappé à mon regard et il a fallu que je les redécouvre. Voilà, c'est vraiment la question qui nous intéresse. s'intéresse dans le cours de l'histoire sur France Culture. Hein. Femmes révoltées, une histoire à réinventer. On pourrait dire globalement, femmes, une histoire à réinventer. Mais ce qui nous intéresse, ce sont ces femmes qui sont les héroïnes de notre histoire et que l'on a oubliées, qui surgissent soudain, comme par exemple le 25 mai 1945, lors du défilé de femmes soldats des armées alliées aux Champs-Élysées. C'est un reportage des actualités françaises, donc à la télévision. Sur les Champs-Élysées, les femmes soldats des armées alliées ont défilé par milliers, entraînées par la plus vibrante des musiques et le plus éblouissant des tambours-majors. Les Américaines ouvrent la marche. Elles célèbrent aujourd'hui le 3e anniversaire de la création de leurs unités. Les Anglaises maintenant. Et les Françaises, celles de l'armée de terre. Celle de la marine, celle de l'armée de l'air, aussi martiale que charmante. Les femmes ont pris leur part des souffrances et des efforts de la guerre. Il est juste qu'elles aient leur jour de gloire et leur grande parade de la victoire. Les femmes ont leur jour de gloire le 25 mai 1945 lors du défilé de la victoire dans les actualités françaises. Mais malgré tout, nous l'entendons dans ce reportage. Très bien, les femmes sont mises à l'honneur. Elles sont aussi martiales que charmantes. Il y a quand même toujours ce regard, Julie Le Gac, sur une lecture genrée de la participation au combat. Disons-le simplement, le fait militaire est quelque chose de viril. C'est toujours la virilité qui est mise en avant. Oui, tout à fait. Faire la guerre, porter les armes, tuer l'ennemi relève du masculin, relève de la virilité et est considéré donc comme l'apanage des hommes dans la majorité de ces armées. Et là, le reportage cite les Britanniques, ce qui va servir de modèle pour les armées alliées occidentales. Puis il y a quand même jusqu'à 500 000 Britanniques qui vont servir dans l'armée, surtout dans les services territoriaux. Elles sont très peu à rejoindre le front. Il y a certaines espionnes du SEI. Special Operation Executive, donc le service des services secrets britanniques. Voilà. Il y en a 39 qui vont être parachutés en France, donc c'est très minoritaire. Mais voilà, la plupart sont dans des opérations de défense antiaérienne où vont seconder sur les bases aériennes, sur les bases navales, etc. Mais se rapprocher du front est toujours quelque chose qui est plus limité. Malgré tout, c'est vrai que nous l'évoquions, il y a toujours des femmes autour des soldats, alors sous plein de posture possible, que ce soit de la plus basique qu'est la prostitution, et c'est vrai que le bordel militaire de campagne est quelque chose qui est présent dans l'imaginaire français, que ce soit la vivandière également, celle qui accompagne le soldat. Il y a toujours eu des femmes, Julie Le Gac, autour des armées. Oui, il y en a toujours eu dans les armées modernes. Voilà. Là, cette présence se renforce, mais c'est surtout le rôle des femmes qui va être codifié. Et un des enjeux, précisément, c'est de distinguer ces femmes qui vont être conçues dans un rôle plus militaire, en particulier des prostituées. Parce qu'il y a quand même une opprobre très forte qui demeure sur ces femmes qui sont intégrées aux armées. Donc ça va passer par l'uniforme et ça va passer par un certain nombre de règles qui sont imposées à la fois aux femmes, dans leur tenue, dans les prescriptions qui leur sont imposées, et aux hommes. Et les officiers sont assez vigilants vis-à-vis de l'attitude des hommes qu'on suspecte et dont on craint qu'ils soient démobilisés en s'intéressant plus à la séduction des femmes qu'autre chose. Et oui, parce qu'il y a le regard que les hommes portent sur les femmes qui transcende en fait le moment très court de la guerre. Il y a un regard général, c'est-à-dire que la femme n'a rien à faire à l'armée, la femme ne doit pas porter les armes. D'ailleurs, insulter l'ennemi en disant il combat comme une femme, c'est bien montrer que voilà, la femme est un échelon pour dévaloriser l'ennemi, quoi. Dévaloriser l'ennemi, dévaloriser les coloniaux aussi. On s'interroge sur la virilité coloniale et certains sont comparés à des femmes. Les Tunisiens, voilà. Par exemple. Oui, tout à fait. Voilà. Or, c'est un proverbe, une maxime qui circule dans l'armée française, comme quoi les Marocains seraient des lions, les Algériens des hommes et les Tunisiens des femmes. Tout le monde critique, hein, surtout ceux qui ont à commander des Tunisiens. Mais finalement, cette maxime se perpétue. Alors, ça, elle a été attribuée de manière apocryphe à Diotème, finalement, parce que c'est pas ça. Voilà. Mais bon, toujours est-il que ça se perpétue. Et donc, dans cette construction du regard que l'on peut porter sur l'ensemble de la société, il y a un moment qui est très particulier. Alors, bien sûr, la Première Guerre mondiale, les femmes sont complètement parti pris dans l'ensemble des conflits, mais pas tellement lié au combat. On va être plutôt dans un rôle pour seconder l'homme. On va avoir les infirmières, par exemple. Qui est un rôle de soins plus traditionnellement attribué aux femmes. Pour la Seconde Guerre mondiale, c'est vrai qu'elles vont exercer d'autres fonctions dans les services. Notamment, il va y avoir donc des Merlinettes du nom du général Merlin qui commande les transmissions, donc elles vont jouer un rôle dans les transmissions. Elles sont secrétaires et surtout il y a les conductrices sanitaires, donc celles qui vont conduire les ambulances et qui elles vont vraiment risquer leur vie en se rapprochant du front pour aller chercher les blessés. Et puis on a un moment particulier, c'est celui de la Seconde Guerre mondiale, avec un engagement des femmes pour rappeler le contexte et pour montrer que la place de la femme dans la société et donc la place de la femme au combat est essentielle. Nous allons écouter un document, alors attention, document de propagande, nous sommes en 1943, c'est un extrait du film Le culte des héros du Commissariat général de la famille, donc c'est vraiment un élément, un document de propagande produit par l'État français. Écoutons Le culte des mères, vu par le journal des actualités françaises en 1943. Le dimanche 30 mai, c'est la journée des mères. Vous tous, mes enfants, préparez ce jour-là une surprise à la vôtre. Et puis vous, qui n'êtes plus un enfant, dites-lui merci quand même. Vous lui en devez certainement encore pour tout ce qu'elle vous a donné. Ce sont les héroïnes de l'ombre quotidienne. Ce sont les Notre-Dame du sourire. Ce sont les créatrices du pays. Ce sont les mamans. Document de propagande de 1943, les femmes sont réduites au rôle de mère. Dites-nous, Sébastien Albertelli, nous avons ici évidemment une lecture très particulière, travail, famille, patrie, la femme est à la maison, la femme seconde l'homme. Et pourtant, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, certaines femmes décident de s'engager. C'est ces parcours que vous avez étudiés. On arrive, quand on est chercheur, à trouver des traits communs où ici ce ne sont que des destins individuels. Alors effectivement, je suis parti des destins individuels, ça représente à peu près 600 femmes, donc on trouve des cas individuels extrêmement variés. Néanmoins, il y a une trajectoire. Il y a une trajectoire qui indique clairement qu'il y a une volonté d'un nombre relativement important de femmes de trouver une place dans le combat qui ne soit pas la place traditionnelle réservée aux femmes, y compris depuis la Deuxième Guerre mondiale, par exemple, de travailler dans une usine en remplacement des hommes, mais d'aller soit au plus près du combat, soit de remplacer des hommes qui vont eux-mêmes être directement utiles au combat dans l'armée. Oui, parce que la Première Guerre mondiale, il y avait ce vécu qui est encore dans les mémoires et sans doute dans l'existence même de ces femmes qui, peut-être pas elles, mais en tout cas leurs mamans, ont participé à l'effort de guerre de la Première Guerre mondiale et ces femmes décident de s'engager différemment. Comment se passe cet engagement ? Alors la particularité de l'unité que j'ai étudiée, c'est que ces femmes s'engagent militairement. Je veux dire par là qu'elles sont de réelles militaires, ce qui n'arrivait pas auparavant. On peut trouver la même photo de par exemple d'Hélène Terré, qui est la patronne de l'unité, en uniforme en 1940 et en uniforme en 1943. Et cette apparente égalité entre les deux photos cache en fait une réalité, c'est qu'en 40 elle n'est pas militaire, elle est, si on veut, déguisée en militaire, elle est en uniforme, mais l'uniforme ne fait pas le moine et ne fait pas le militaire, alors qu'en 43, elle a un statut militaire, ça veut dire elle signe le même engagement qu'un homme, elle a les mêmes garanties, elle peut, si elle est blessée, avoir les mêmes droits à pension, par exemple, elle a le droit d'avoir un grade qu'elle porte sur son uniforme, etc. C'est une vraie militaire. Donc là, il y a un pas qui est franchi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Bien, écoutez, justement, en écho à ce que vous venez de dire, Sébastien Albertelli, nous allons écouter Hélène Terré, son témoignage à travers un ouvrage. Nous entrerons dans la carrière, une histoire. Alors, une histoire de l'AFAT, ce sont les auxiliaires féminines de l'armée française. Ce témoignage nous est lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire par Mélodie Auru. J'ai été une des trois premières femmes à porter un uniforme kaki, et cela dès septembre 1939. Eh bien, si vous pouviez seulement vous rendre compte du courage qu'il me fallait pour me trouver ainsi vêtue dans les rues de Paris. C'était à un tel point que, rentrant d'une mission au front, j'allais immédiatement me revêtir d'un uniforme bleu de la Croix-Rouge ou même de vêtements civils. Il a fallu que nous rendions pas mal de services pendant la retraite pour que la France nous admette et qu'on ne parte pas d'un fou rire sur notre passage. Mélodie Auru qui nous lit le témoignage d'Hélène Terré à propos du port de l'uniforme dès 1939. Sébastien Albertelli, nous pouvons rappeler juste rapidement qui est Hélène Terré? Alors, Hélène Terré est une éditrice avant-guerre qui s'est engagée donc en 1939 dans les sections sanitaires automobiles, c'est-à-dire des sections qui sont montées par la Croix-Rouge en fait et qui sont mises à la disposition de l'armée avec des infirmières et des conductrices. Elle travaillait dans l'état-major et en 1940, après la défaite, en septembre 1940, elle part à Londres avec une mission de Vichy, une mission officielle de Vichy pour essayer de faire en sorte que le blocus que les Britanniques imposent à la France soit un peu relâchée. On envoie une femme parce qu'il s'agit de protéger des enfants. Donc voilà, c'est un discours traditionnel là aussi. Et puis, au bout d'une semaine, elle est arrêtée avec sa patronne. Elles sont soupçonnées et accusées d'espionnage au profit de Vichy. Et elles sont internées. Elle va passer plusieurs mois en prison. Expérience extrêmement douloureuse pour elle. Sa patronne sera ensuite expulsée à Vichy et deviendra collabo. Alors qu'elle-même va rester à Londres, va s'engager dans la France libre. D'abord à des postes, disons, subalternes. Et puis, à l'automne 1941, elle remplacera celle qui a créé l'unité féminine des forces françaises libres, Simone Mathieu, et elle deviendra donc la patronne de cette unité. Et à la fin de la guerre, c'est elle qui commandera les 15 000 femmes qui seront à ce moment-là militaires dans l'armée française. Sébastien Albertelli, vous venez d'évoquer Simone Mathieu, mais là aussi nous avons un destin incroyable. Qui est-elle? Alors, Simone Mathieu est une très grande championne de tennis. D'ailleurs, tout récemment, l'un des tout derniers courts construits à Roland-Garros, on lui a donné son nom, parce qu'elle a gagné plusieurs fois Roland-Garros, Wimbledon. C'est la numéro 1 française pendant pratiquement toutes les années 30. Et en 1940, elle est à Londres et elle fait le forcing pour s'engager. Et c'est elle qui va effectivement obtenir la permission de monter cette unité, d'abord très modeste, et puis de la construire et de la faire grandir. Nous imaginons la force qu'il faut pour monter une unité, mais ne serait-ce que pour quitter la France, aller à Londres. Julie Le Gac, quand vous écoutez comme ça ce que disait Hélène Terré sur la difficulté à porter un uniforme, il y a aussi quelque chose alors qui tient du corps de la femme. Nous sommes aujourd'hui avec des représentations qui nous empêchent peut-être de voir symboliquement ce que ça pouvait représenter. Une femme en uniforme dans la rue, tout le monde s'arrêtait. C'est quelque chose qui est parfaitement remarquable. Alors, il y a à partir de 1943 en Afrique du Nord, c'est un uniforme spécifique qui est conçu pour les femmes et la propagande pour essayer d'inciter les jeunes filles à s'engager insiste sur le caractère élégant, féminin, veut faire de ces femmes l'image de la femme française et ce sont finalement les femmes qui, en Italie, vont demander à porter l'uniforme masculin parce que l'uniforme n'est pas adapté, elles sont froides et elles veulent quelque chose de beaucoup plus pratique pour puisqu'elles sont dans des conditions matérielles difficiles. Mais c'est vrai que se confronter au regard des autres, notamment aux populations civiles, elles en voient en Afrique du Nord en 1943, est quelque chose de très délicat puisque ces femmes sont accusées soit d'être des prostituées, soit d'être dévergondées, d'être des mauvaises filles de famille, soit ou sinon d'être des lesbiennes, puisque cet engagement paraît contre nature pour une grande partie de la société. Bah dans l'histoire des femmes, il y a toujours cette question du corps, le corps de la femme, et en l'occurrence ici, et c'est un jeu de mots, mais il y a le corps des volontaires françaises, mais c'est un jeu de mots qui a un écho historique, hein, Sébastien Albertelli, il a fallu changer le nom de ce corps à cause des quiproquos que ça pouvait produire. Des quiproquos, des moqueries, oui, parce que le corps est créé sous le nom de corps féminin et ce nom suscitait des plaisanteries graveleuses dans la troupe. Donc effectivement, à partir du printemps 1941, on l'appelle le corps des volontaires françaises, ce qui met à distance précisément ce corps féminin et qui rend le nom peut-être plus acceptable. Alors, comment s'est construit en fait ce corps des volontaires françaises? C'est-à-dire que des femmes donc sont à Londres déjà, d'autres arrivent de France et viennent voir le général de Gaulle. Mais en fait, nous sommes dès juin 1940, hein, où il y a eu la volonté d'organiser quelque chose. Alors, dès juin-juillet 1940, effectivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'appel du général de Gaulle ne s'adresse pas aux femmes, mais néanmoins, il y a des femmes, dont certaines en uniforme, précisément, parmi celles qui se sont engagées en 39-40, comme Hélène Terré. Alors, Hélène Terré n'est pas là en juin 40, mais d'autres sont là et demandent à finalement poursuivre leur engagement. Et du coup, on crée cette première unité avec une crainte toujours présente chez le général de Gaulle, c'est que si on ne leur offre pas la possibilité de s'engager dans l'armée française, il y a un risque qu'elle s'engage directement dans l'armée britannique. Or, pour le général de Gaulle, ça, c'est une atteinte insupportable à la souveraineté nationale. Donc, on va créer cette petite unité qui est très modeste au départ et on va négocier avec les Britanniques parce que les Français libres de Londres, à ce moment-là, n'ont absolument aucun moyen à mettre à disposition des femmes. Et donc, on va créer une toute petite unité sans femmes qui seront entraînées militairement, habillés par les Britanniques, qui servent un peu de modèle, effectivement, et puis qu'on va regrouper dans une caserne, ce qui est l'expérience nouvelle pour ces femmes-là, qui ont parfois connu des expériences collectives, le pensionnat, mais là, c'est la première fois qu'on regroupe des femmes à l'intérieur d'une caserne. Alors, justement, pour écouter ce qu'ont pu vivre ces femmes, en fait, nous allons écouter un témoignage. C'est Teresca Torres, mais en fait, Teresca, à ce moment-là, s'appelle Schwartz. Hein, Schwartz, à ce moment-là. C'est après qu'elle se marie avec Monsieur Torres. Mais elle livre son témoignage sur ce qu'elle a vécu en 1942 à Londres, en utilisant ce mot qui est très fort. Nous sommes des transplantés. Nous écoutons ce qu'écrivait Teresca Schwartz. Ça nous est lu par Mélodie Auru. Toutes. Nous sommes des transplantés. Nous vivons dans une atmosphère totalement anormale. Guerre, caserne, bombardement, exil. Loin de nos familles, de notre milieu habituel. Chaque nuit peut être la dernière. Dans tout Londres règne cette atmosphère de fin du monde. Probablement en France, nous serions toutes totalement différentes. Ce sont les plus jeunes d'entre nous qui sont les plus touchés. Les autres ont eu le temps de se former avant la guerre. Mais à 18, à 20, à 22 ans, plusieurs d'entre nous sont sortis directement de pensionnat, de lycée, droit dans une caserne de femmes. Bien sûr, nous sommes des traqués. Et aucun effort n'est fait par nos aînés pour nous aider moralement. Nos seuls éducateurs sont les officiers souvent de 15, 20 ans, nos aînés, et avec lesquels nous sortons. Teresca Schwartz, qui donne son témoignage sur sa présence à Londres. Ça nous est lu par Mélodie Auru dans le cours de l'histoire sur France Culture. Une réaction, Sébastien Albertelli, à ce témoignage? Oui, alors en réalité, c'est plus qu'un témoignage. C'est-à-dire que quand on dit témoignage, on a l'impression qu'elle a écrit ça après. En fait, c'est son journal. Oui, nous sommes en janvier 1942. C'est ça. Teresca a écrit son journal, a tenu son journal tout au long de la guerre. C'est une source, évidemment, extraordinaire pour l'historien qui peut plonger comme ça à l'intérieur. Alors après, après, ça traduit évidemment une réalité, c'est que ces engagés dans le corps des volontaires françaises sont pour l'essentiel des jeunes filles. Des jeunes filles pour qui Tereska, elle a 20 ans en 1940. Donc, sont des jeunes filles pour lesquelles ces années de guerre sont aussi des années d'apprentissage de la vie, comme elle le dit, dans un milieu extrêmement particulier, assez dur, fermé, loin des familles, etc. Ce qui, évidemment, conduit à des comportements particuliers. Pas plus particulier que ceux que peuvent avoir des hommes qui vivent la même expérience, mais enfin voilà, à une entrée dans la vie un peu dans un contexte vraiment singulier. Julie Le Gac, l'armée française, en tout cas les Français qui se trouvent à Londres, ne sont pas préparés. Il n'y a pas une réflexion à comment intégrer des femmes dans un corps militaire. On ne sait pas trop comment faire. À quoi sont destinées ces femmes? En fait, il n'y a pas du tout de pensée combattante. C'est toujours cette idée que les femmes sont là, elles peuvent être militaires, mais combattre reste toujours quelque chose de compliqué. La première chose surtout, c'est que ces femmes sont considérées comme... Enfin, on ne les recrute pas comme une promotion sociale ou une promotion de genre. On pense qu'elles vont permettre de combler les trous. Et notamment, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'hommes français qui ont rejoint Londres et ensuite qui ont rejoint Alger. Donc, et comme l'armée se modernise, qu'on a besoin de plus en plus de spécialistes, donc de personnes qui ont des compétences, on estime que les soldats coloniaux ne peuvent pas remplir ce rôle. Donc, pour libérer le plus d'hommes possible pour ces missions à responsabilité, on pense que les femmes vont pouvoir remplir ces rôles, notamment donc effectivement de téléphoniste ou de secrétaire ou de conductrice. Et donc voilà, mais on n'imagine pas qu'elles puissent combattre réellement, en tout cas dans l'armée française. Malgré tout, c'est un changement majeur. La création de cette unité féminine dans l'armée française, c'est un changement ne serait-ce que par l'entraînement. Les femmes sont entraînées. Alors, on ne les destine pas directement au combat, mais malgré tout, il y a un entraînement. Les femmes sont entraînées. Alors, c'est de comparer avec ce qui apparaît comparable, donc avec le scoutisme par exemple, ou les colonies de vacances, ce genre de choses. Mais c'est un changement majeur et la plus grande trace, c'est que effectivement ces unités féminines, les auxiliaires féminines de l'armée, vont perdurer après et vont s'institutionnaliser après la Seconde Guerre mondiale. Dites-nous Sébastien Albertelli, ces corps des volontaires françaises, ce corps est mis en place, il est bien accepté tout de suite ou il reste complètement marginal dans l'organisation que peut avoir l'armée française à Londres? Alors, l'armée française à Londres, c'est peu de choses. C'est peu de choses, voilà. Il faut le rappeler, jusqu'en 42-43, c'est très peu de choses. C'est relativement bien accepté parce que c'est une unité qui n'est visible finalement en tant qu'unité que lors de rares défilés, de cérémonies un peu festives. Pour le reste du temps, en fait, ces femmes sont dispersées dans les états-majors et donc elles n'apparaissent pas en tant qu'unité. Et puis encore une fois, oui, elles ne sont pas combattantes, donc finalement, elles sont dans des rôles qui sont traditionnellement des rôles relativement féminin, et donc oui, elles sont acceptées correctement. On trouve assez peu de traces dans les archives de la France Libre de réactions négatives à la création de cette unité. Et puis, il y a des femmes qui ont marqué pendant la Seconde Guerre mondiale les esprits par leur résistance, une résistance par la voix, par l'écriture, par la musique. C'est le cas d'Anna Marley. Anna Marley qui parlait en 2000, qui expliquait comment elle a créé le chant des partisans. Donc le chant des partisans crée les paroles en russe, parce que Anna Marley écrit en russe, et puis ensuite adapté par Maurice Druon et Joseph Kessel, pour devenir d'ailleurs le générique de l'émission Honneur et Patrie sur la BBC. Et Anna Marley donc met en place par cette voix une chanson qui vraiment fait l'écho majeur à la place de la femme dans la résistance. C'est aussi ça, la voix de la résistance, une voix féminine. Dans un concert quelque part en Angleterre, j'ai quelque peu, presque un millier de soldats marins dans la salle, ça crépite, il fait chaud, pendant que mes camarades chantent ou présentent quelque chose, et je trouve sur la table un quotidien anglais où en grosses lettres, à la une, il y a donc les Allemands avancent, les Russes se défendent, mais il y a des hommes qui, poitrine nue, sans une arme dans les mains, s'en vont dans les forêts avec l'idée de pouvoir saboter, de pouvoir défendre leur pays, les partisans. Et en russe, on dit partisane. Et j'ai pris ma guitare et assis sur un coin de table, j'ai commencé à faire le bruit des pas et m'imaginer un groupe d'hommes qui s'en vont le long du précipice et От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. Народные мстители мы отобьем злую силу. Пусть ветер свободы засыплет и нашу могилу. Пойдем мы туда, куда ворон не влетит, зверь не входит. Никто, никакая сила нас не покорит, не отгонит. От леса до леса дорога идет вдоль обрыва. А там высоко где-то месяц плывет торопливо. Anna Marley, le chant des partisans tel qu'il a été rédigé, les paroles en russe dans le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Elig avec aujourd'hui à la technique Ludovic Auger. Aujourd'hui, dans le cours de l'histoire, nous nous intéressons aux femmes révoltées, une histoire à réinventer et notamment à celles qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale avec cette histoire assez majeur dans la rupture qu'elle représente du corps des volontaires françaises pendant la guerre. Sébastien Albertelli, ce corps qui est mis en place donc à Londres suit les combats pendant la guerre. Comment il s'organise? Comment en fait ces femmes vont être appelées, mobilisées, utilisées lors des combats? Alors c'est une unité londonienne, donc elles sont toutes passées par Londres, certaines s'en satisfont complètement, elles ont des postes dans les états-majors, et puis il y en a certaines qui veulent aller beaucoup plus près des combats, et donc qui vont effectivement, les unes devenir infirmières notamment et servir pendant la campagne d'Italie, d'autres vont débarquer peu après les troupes en Normandie par exemple, et vont être tellement proches du combat que certaines vont être très gravement blessées, et puis certaines ont on l'a évoqué tout à l'heure, vont demander plutôt encore que ça à être intégrées dans les unités qui participent au combat clandestin, c'est-à-dire en clair à être parachutées en France pour pouvoir cette fois-là agir directement au contact de l'ennemi. Voilà. L'extrait qu'on vient d'entendre est intéressant. On n'a rien de comparable à ce qui se passe en Union soviétique. L'Union soviétique, c'est 500 000 femmes combattantes avec des pilotes de chars, des pilotes d'avions, des mitrailleuses. Donc là, on a absolument rien de comparable. Ceci dit, une des volontaires françaises, Ève Curie, la fille de Marie et Pierre Curie, qui s'engage à la fin de l'été 1943, est allée en Union soviétique, est allée sur le front de l'Est et a rapporté des images importantes. Et elle s'est faite une idée de l'implication des femmes dans ce combat en Union soviétique et elle est très admirative. Donc on a vraiment chez certaines femmes la volonté de se rapprocher au plus près du combat, de partager les risques des combattants, voire dans le cas du combat clandestin, de participer elles-mêmes au combat. Julie Le Gac, sur cet engagement des femmes, effectivement nous parlons de ces unités françaises, mais il est nécessaire d'avoir une lecture plus globale, notamment européenne, une démarche comparatiste. Comment ça se passe dans les autres pays? Donc pour l'URSS, il y a évidemment des femmes réellement au combat, mais un peu dans une tradition de la révolution bolchevique où les femmes sont déjà organisées et combattent. Comment ça s'organise? En fait, c'est une exception française qu'il y ait des unités féminines dans un cas ou dans l'autre, c'est-à-dire en avance ou en retard. Alors, le L'exception, c'est vraiment l'Union soviétique. Où, effectivement, l'engagement est plus massif, où il y a des unités qui sont mixtes, c'est-à-dire où des hommes et des femmes vont combattre ensemble. Vous avez les snipers, les tireuses d'élite, donc certaines vont être récompensées même par la médaille la plus importante de l'Union soviétique. Vous avez les pilotes de chasse, donc qui incarnent la modernité. Et vous avez les partisans qui vont rejoindre la forêt aussi au milieu et vivent dans les mêmes conditions et dans des conditions qui sont donc assez difficiles. Et où ce qui va être intéressant, c'est qu'elles ont la double charge, c'est-à-dire qu'elles combattent, elles portent les armes, mais leur incombe également les tâches ménagères, c'est-à-dire cuisine, linge, etc. Puisque donc elles doivent subir cette double charge. Pour le reste, il y a aussi donc dans d'autres mouvements résistants, il y a des femmes qui vont être mises en avant. On pense à la résistance grecque, à la résistance yougoslave aussi. Mais c'est vrai qu'on se situe sur des proportions qui sont assez faibles. Ce sont quelques milliers de femmes par rapport à des centaines de milliers d'hommes partisans. Et dans les unités régulières, on a parlé de la Grande-Bretagne et le reportage évoquait aussi les États-Unis. Ce ne sont pas des femmes qui sont conçues comme des combattantes. Elles sont conçues comme dans les unités de service et restant en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Sébastien Albertelli. Il y a d'ailleurs un grand débat en Angleterre, puisque la Grande-Bretagne est parmi les premières à intégrer des femmes dans les unités combattantes, et notamment dans la DCA, dans le combat anti-aérien. Et là, il y a un grand débat, parce que ce sont des unités mixtes hommes-femmes, mais normalement, elles n'ont pas le droit de tirer elles-mêmes. Donc elles sont dans l'unité, elles sont sur le terrain avec les hommes, mais elles n'ont pas le droit d'être celles qui appuient sur la gâchette au moment de tirer. Julie Le Gac, il y a un lien qui se crée. Un lien de compagnon d'armes. Donc cette mixité que vous évoquez change le regard que peuvent avoir les soldats hommes sur les femmes. Est-ce qu'on arrive à identifier ce rapport? C'est très difficile, hein, sans les témoignages, sans savoir en fait concrètement comment ces hommes acceptent ou rejettent un peu ces femmes qui combattent à leur côté. Alors, il y a des formes de solidarité indéniables qui se créent, matérielles, qui irritent parfois le commandement, qui s'énervent d'une galanterie qu'ils jugent déplacée, donc d'hommes qui vont aider les femmes à monter leur tente, à installer le campement, etc. Ça change l'atmosphère également donc des unités, et ça permet lors des permissions à l'arrière, donc à l'arrière du front, de changer effectivement une ambiance qui pouvait être très masculine et qui offre en conséquence une parenthèse peut-être plus grande par rapport au combat. Mais quand vous parliez de cette double charge des femmes qui vont au combat, qui conservent en fait, allez, pour simplifier, les tâches domestiques, c'est en fait l'image de la société civile qui est reproduite à l'armée. La femme se voit dévolue un rôle traditionnel, le rôle de la cuisinière, le rôle de l'assistante, le rôle du soin, systématiquement en fait. Oui, même si on l'a évoqué, certaines femmes portent les armes, prennent les armes. Et là, elles sortent de ces assignations traditionnelles de genre. Mais avec toujours, dans ces cas-là, des destins, des caractères. Comment vous l'étudiez, Sébastien Albertelli? Parce qu'il est très difficile de comprendre le pourquoi de l'engagement. Il est nécessaire de regarder la biographie, les destins éventuellement. Et après, les positionnements à l'intérieur d'une armée. Alors effectivement, il y a des positionnements extrêmement différents. C'est-à-dire que pour dire les choses simplement, énormément de femmes ne s'expriment pas. Et donc, on est bien en peine de savoir pourquoi elles se sont engagées, ce qu'elles pensent à ce moment-là, si elles sont satisfaites ou non de leur sort, la manière dont elles sont vues. Et puis, on a quand même sur 600, par exemple, on en a quand même 200 ou 250 qui s'expriment, qui, soit parce qu'elles se plaignent, soit parce qu'elles écrivent des lettres, etc. Et donc là, on arrive à faire ressortir effectivement un certain nombre de caractères, de personnages, qui sont à la fois représentatifs et en même temps qui sont des individus donc qu'il faut prendre en tant que tels. Et puis il y a aussi le regard porté sur ces femmes combattantes, ces femmes du corps des volontaires françaises. Nous allons écouter Maurice Schumann, donc qui parle depuis Londres puisqu'il parle en février 1944. Maurice Schumann, dans une émission, l'émission Honneur et Patrie, dont le générique est le chant des partisans, évoque les femmes dans la guerre d'Italie en février 1944, donc. Dans un cimetière blanc du front d'Italie, un corbillard s'arrête. Ce corbillard, c'est une ambulance sur laquelle flotte le fanion de la Croix-Rouge, déchiqueté par la bataille. Des soldats en uniforme français portent un des leurs, non pas à sa dernière demeure, mais à son champ de repos. Ces soldats, ce sont des femmes. La médaille militaire est épinglée sur l'étamine tricolore qui recouvre le cercueil du mort. Ce mort, c'est une morte. Marie Alphonsine Loretti, la lionne de Beffort, comme nous l'appellerons désormais, n'est pas la première femme qui meurt en soldat. Parmi les martyrs des fronts intérieurs, il y a tant de Simone Schloss, de Marie Lefebvre, de Daniel Casanova, de Madame Viellard, de Madame Albrecht, que les traits féminins d'Edith Cavell ou de Louise de Bétigné ressortiraient à peine aujourd'hui dans la grande armée du sacrifice. Un document, Maurice Schumann, en février 1944. Cette liste de noms porte directement à l'émotion. Nous le voyons, c'est la place de ces femmes dans ces troupes permet aussi de donner, d'offrir un nouveau regard sur les combattantes, les résistants. C'est l'ensemble de la société qui résiste, ce n'est plus simplement une armée. Ces femmes sont essentielles. Sébastien Albertelli, comment les autorités françaises ou même le général de Gaulle considèrent ces femmes ? Alors, ce serait mentir d'affirmer qu'il leur accorde une très grande importance. Il n'en parle pas beaucoup dans ses mémoires de guerre. Il y a une phrase. Voilà, une phrase. Le premier statut de l'unité n'a même pas été publié au bulletin officiel, donc c'est dire l'importance qu'on lui accordait. Donc, mais ceci dit, il n'a pas empêché non plus cette création et l'existence même de ces femmes est sans arrêt utilisée, comme ici en fait, dans le cadre de la propagande, que ce soit écrite ou à la BBC pendant les émissions françaises. Parce que l'idée, c'est quand même de montrer l'unité du pays retrouvée dans le combat, disons, et la résistance, et que les femmes tiennent leur place dans cette unité retrouvée. Donc elles sont intégrées à leur place, disons, à la place qu'on considère être la leur à cette époque-là, ce qui fait qu'à la fin, malheureusement, elles vont être assez rapidement éjectées de l'image. Alors ça, c'est important, parce que la question qui se pose, c'est qu'en ont tiré les femmes ? De cet engagement. Est-ce que, Julie Le Gac, la place de la femme dans les armées a changé après la Seconde Guerre mondiale ? Il y a maintenant l'organisation d'unités féminines. Il y a l'organisation d'unités féminines, il y a des corps de pilotes qui émergent pendant la Seconde Guerre mondiale et qui vont se perpétuer ensuite. Donc voilà, les femmes sont intégrées, sont reconnues, le corps donc, des auxiliaires françaises de l'armée de terre est institutionnalisé et va perdurer, même s'il reste minoritaire et repose sur le volontariat. Voilà, il y a toujours aussi cette question du volontariat. Et puis, il y a, quand on regarde un petit peu tous ces travaux, quelque chose toujours de la marge. Nous sommes toujours en marge, hein, Julie Le Gac. C'est pas une évidence encore, c'est-à-dire que c'est plus l'acceptation d'un état de fait qui s'est mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas une volonté première de mettre en avant ces femmes. On est dans la marge et on est dans la tolérance. Voilà, donc reconnaître les bonnes volontés féminines, leur permettre de s'exprimer, mais il ne s'agit pas véritablement de leur faire une place entière, je pense. Dites-nous, Sébastien Albertelli, que deviennent ces femmes qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale dans le corps des volontaires françaises ? Alors on le sait pas bien. On le sait pas bien, tout simplement parce qu'elles se dispersent après la guerre. Alors quelques dizaines vont continuer à servir dans l'armée, certaines jusque dans les années 70, mais pour la plupart, elles sont démobilisées en 45, tout début 46 pour la grande majorité. Et puis, elles se dispersent à la fois, elles sont jeunes, donc elles vont fonder une famille, et puis beaucoup vont vivre à l'étranger. Beaucoup sont elles-mêmes étrangères malgré le nom de l'unité. C'est le corps des volontaires françaises, mais en fait, une bonne partie sont britanniques. Du coup, on perd un petit peu leurs traces, et l'historien a d'autant plus de mal à les suivre, qu'elles changent de nom souvent oui, plusieurs fois, par le mariage, et que voilà, elles disparaissent un petit peu dans la nature, sauf évidemment des individualités qu'on peut suivre, mais en tout cas, il n'y a pas, par exemple, d'association qui porterait leur mémoire de façon forte après la Deuxième Guerre mondiale. Bien justement, pour évoquer cette mémoire du combat des femmes, nous allons écouter Svetlana Alexievitch, donc prix Nobel de littérature en 2015, qui en 2005 évoquait ces femmes au combat, évidemment en URSS. Souvent, quand je venais dans des familles, il y avait le mari et la femme, et les hommes empêchaient souvent leurs femmes de parler. Alors que les femmes, quand elles commençaient à en parler, apportaient immédiatement une touche qui rendait l'incompréhensible compréhensible. Par exemple, cette personne qui avait été infirmière et dont le travail consistait à aller inspecter en quelque sorte le champ de bataille pour voir s'il restait des survivants. Elle raconte comment elle regardait ces jeunes gens fauchés par les balles et comme elle les trouvait beaux, les Allemands jeunes et beaux. Elle se posait la question de l'humanité, comment rester humain dans cette situation. Il ne s'agissait plus du tout d'un discours patriotique ou grandiloquent. Il s'agissait simplement du côté parfaitement immonde de la guerre, du côté sale, du côté terrible de la guerre et du travail harassant que représente la guerre, de la folie humaine que représente la guerre. Donc, quand je parlais avec les femmes, je sortais immédiatement du discours convenu et du discours de la langue de bois auquel nous étions habitués. Svetlana Alekseevitch, en 2005, donc prix Nobel de littérature. Dites-nous, Sébastien Albertelli, quand vous écoutez un témoignage ainsi sur la mémoire, sur le souvenir, sur le regard que les femmes ont pu porter sur les combats, il y a quelque chose à entendre. C'est pas le même regard sur les combats. Alors effectivement, c'est pas le même regard. En même temps, ce que je trouve très intéressant dans ces témoignages qu'a recueilli Svetlana Alekseevitch dans les années 80, c'est que même en Union soviétique, où on l'a dit, on a 500 000 combattantes, de vraies combattantes, le retour a été difficile. C'est-à-dire qu'elles sont accueillies en Union soviétique avec beaucoup de réserves. Là aussi, on a tendance à confondre femmes soldats et femmes à soldats. Elles sont insultées, etc. Enfin, c'est très compliqué. Après, pour revenir précisément sur votre question, effectivement, quand on saisit le regard qu'elle porte sur la guerre, on voit que c'est pas tout à fait la même chose. D'ailleurs, les archives elles-mêmes, quand c'est le même type d'archives qui concernent des hommes et des femmes, eh bien, ces archives ne disent pas la même chose. Voilà, d'où l'intérêt de porter une lecture, on n'est pas genré, mais enfin de faire attention dans le travail de l'historien, de l'historienne, à cette lecture-là qui est essentielle. Merci beaucoup à vous deux, Julie Le Gac. Ce sont L'Europe des femmes, 18e, 19e, 21e siècle, un ouvrage que vous avez coordonné chez Perrin. Et merci à vous, Sébastien Albertelli. Elles ont suivi De Gaulle, histoire du corps des volontaires françaises, également chez Perrin. Et il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver le journal de l'histoire d'Anaïs Quien. Bonjour Anaïs. Bonjour Xavier, bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui dans le journal de l'histoire, l'ouverture des archives du Vatican et ce qu'on en entend. L'année dernière, le pape François II déclarait « l'Église n'a pas peur de l'histoire » et alliant le geste à la parole, annonçait l'ouverture des archives du pontificat de Pie XII couvrant la Deuxième Guerre mondiale. Ces choses faites depuis hier, ces archives secrètes du Vatican sont donc ouvertes à la consultation des chercheurs, enfin seulement 14 à la fois dans la petite salle de consultation. La liste d'attente est très longue pour se plonger dans les maîtres linéaires concernés. Malgré tout, c'est un événement et la promesse peut-être d'y voir un peu plus clair sur le mutisme de Pie XII face au nazisme. La vérité sur Pie XII est sans doute derrière les murs des archives du Vatican. À partir de ce lundi, des dizaines de chercheurs du monde entier vont avoir accès pendant plusieurs mois aux archives du Vatican afin de faire la lumière sur le rôle du pape le plus controversé de l'histoire. Pie XII, critiqué pour n'avoir jamais condamné publiquement la Shoah. Pape de 1939 à 1958, le personnage de Pie XII, Eugenio Pacelli au civil, a nourri de nombreuses polémiques sur son attitude pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ambassadeur de la papauté en Allemagne dans les années 30, il assiste à l'arrivée d'Hitler au pouvoir et rédige une encyclique critique au nom du pape en 1937, intitulée « Mit Bredener Sorge, une brûlante inquiétude », immédiatement interdite par le régime. Devenu lui-même pape en 1939, il se contente pourtant d'un message laconique à l'occasion des célébrations de Noël en 1942, évoquant le sort de centaines de milliers de personnes innocentes vouées à la mort ou à une extermination progressive sans nommer de coupable. Depuis les accords de Latran en 1929, la cité du Vatican est un pays neutre et de ce fait, le pape a un devoir de réserve sur la politique internationale. Plus personne ne lui demande sa bénédiction pour partir en guerre et lui-même n'appelle plus à la croisade, on s'en réjouit.